FSI French Revised, Unit 6, Tape 1. Review 6. Basic sentences and useful words. Review Drill 1. I'd like you to meet Mr. Lelong. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Lelong. I'm happy to meet you, Miss Courtois. Je suis heureux de faire votre connaissance, mademoiselle. How are you? Comment allez-vous? Did you hear from your brother? Avez-vous des nouvelles de votre frère? My sister is with them. Ma sœur est avec eux. See you soon, I hope. À bientôt, j'espère. It's nearby. Il est près d'ici. Send them my best regards. Transmettez-leur mon meilleur souvenir. Are your parents still on vacation? Vos parents sont-ils toujours en vacances? Will you show it to me? Voulez-vous me la montrer? Basic sentences and useful words. Review Drill 2. We have a nice room on the first floor. Nous avons une jolie chambre au premier étage. It suits me just right. Cela me convient tout à fait. I'll have your luggage brought in. Je vais faire apporter vos bagages. It's a very good restaurant. C'est un très bon restaurant. Wake me up tomorrow at 7 o'clock. Réveillez-moi demain à 7 heures. My family arrives this evening. Ma famille arrive ce soir. I'm in a hurry. Je suis pressé. I don't understand you. Je ne vous comprends pas. You are late. Vous êtes en retard. What does this word mean? Que veut dire ce mot? Basic sentences and useful words. Review Drill 3. They close at 6. Ils ferment à 6 heures. Do you want me to drop you somewhere? Voulez-vous que je vous dépose quelque part? I wouldn't want to bother you. Je ne voudrais pas vous déranger. I'll get there in time. J'arriverai à temps. I'm taking a taxi. Je prends un taxi. We have several vacant. Nous en avons plusieurs de libres. They're going upstairs. Ils montent. It's midnight. Il est minuit. It's a quarter to five. Il est 5 heures moins le quart. My family arrives at 10:45. Ma famille arrive à 11h15. Basic sentences and useful words. Review drill 4. Would you fill out these forms? Voulez-vous remplir ces fiches? I don't know. Je ne sais pas. I think they close at 6. Je crois qu'ils ferment à 6h. It's no use. Ce n'est pas la peine. How many trunks do you have? Combien de malles avez-vous? How much do I owe you? Combien vous dois-je? On what train are you leaving? Par quel train partez-vous? My son is coming home next week. Mon fils rentre la semaine prochaine. Don't read the lesson. Ne lisez pas la leçon. Goodbye, Miss Courtois. Au revoir, mademoiselle. Basic sentences and useful words. Review drill 5. I'd also like to buy shoes. Je voudrais aussi acheter des chaussures. That's exactly what I need. C'est exactement ce qu'il me faut. These are on sale. Celles-ci sont en solde. Where can I reserve my seats? Où puis-je retenir mes places? I can give you 2 window seats. Je peux vous donner 2 coins-fenêtres. How is the weather in the winter? Quel temps fait-il en hiver? He has a villa for the season. Il a une villa pour la saison. We sell a lot of them. Nous en vendons beaucoup. For what date? Pour quelle date? The train leaves on time. Le train part à l'heure. Basic sentences and useful words. Review drill 6. Which are the rush hour periods? Quelles sont les heures d'affluence? Do you want to try them on? Voulez-vous les essayer? It rains very often there. Il y pleut très souvent. I'm planning to stay in Paris until May. Je compte rester à Paris jusqu'en mai. Where can I get a platform ticket? Où puis-je prendre un ticket de quai? Please follow me to the cash register, sir. Veuillez me suivre à la caisse, monsieur. The weather is nice and cool there. Il y fait beau et frais. My son is coming home next month. Mon fils rentre le mois prochain. That's all that's left. C'est tout ce qui reste. We don't live here in the spring. Nous n'habitons pas ici au printemps. Basic sentences and useful words. Review drill 7. One buys bread at the baker's. On achète du pain chez le boulanger. Do you work on Wednesdays? Travaillez-vous le mercredi? I don't know yet. Je ne sais pas encore. Coats are clean at the dry cleaners. On fait nettoyer les manteaux chez le teinturier. My wife doesn't like the heat. Ma femme n'aime pas la chaleur. Here are three styles in brown. Voici trois modèles en marron. Are you going out Tuesday? Sortez-vous mardi? That perfects me fine. Cette paire me va très bien. What did you do over the weekend? Qu'avez-vous fait pendant le week-end? I went to Versailles. Je suis allé à Versailles. Review drill 8. Nous allons en Normandie. Nous allons en Normandie. J'aime la Normandie. Ils sont en Normandie. Je traverse la Normandie. Vous êtes en Normandie. Il va en Normandie. Nous aimons la Normandie. Nous allons en Normandie. Review drill 9. Je vais à la pharmacie. Magasin. Je vais au magasin. Hôtel. Je vais à l'hôtel. Bureau. Je vais au bureau. Gare. Je vais à la gare. Ville. Je vais en ville. Rez-de-chaussée. Je vais au rez-de-chaussée. Épicerie. Je vais à l'épicerie. Review drill 10. J'aime la chambre. Je déjeune dans la chambre. Je suis dans la chambre. Je ferme la chambre. Je vais dans la chambre. Je loue la chambre. J'aime la chambre. Je monte dans la chambre. Review drill 11. Ils aiment le rez-de-chaussée. Ils sont. Ils sont au rez-de-chaussée. Ils réparent. Ils réparent le rez-de-chaussée. Ils vont. Ils vont au rez-de-chaussée. Ils louent. Ils louent le rez-de-chaussée. Ils déjeunent. Ils déjeunent au rez-de-chaussée. Ils nettoient. Ils nettoient le rez-de-chaussée. Ils travaillent. Ils travaillent au rez-de-chaussée. Ils ont. Ils ont le rez-de-chaussée. Ils aiment. Ils aiment le rez-de-chaussée. Review drill 12. Ils aiment le bord de la mer. Ils aiment le bord de la mer. Ils vont. Ils vont au bord de la mer. Campagne. Ils vont à la campagne. Nous déjeunons. Nous déjeunons à la campagne. Restaurant. Nous déjeunons au restaurant. Je loue. Je loue le restaurant. Chambre. Je loue la chambre. Elles sont. Elles sont dans la chambre. Bord de la mer. Elles sont au bord de la mer. Nous allons. Nous allons au bord de la mer. Boulangerie. Nous allons à la boulangerie. On ferme. On ferme la boulangerie. Café. On ferme le café. Elles arrivent. Elles arrivent au café. Review drill 13. Ils vont au bord de la mer. Ils vont au bord de la mer. Ils aiment. Ils aiment le bord de la mer. Ville. Ils aiment la ville. Nous déjeunons. Nous déjeunons en ville. Restaurant. Nous déjeunons au restaurant. Je loue. Je loue le restaurant. Premier étage. Je loue le premier étage. On monte. On monte au premier étage. Chambre. On monte dans la chambre. Ils vont. Ils vont dans la chambre. Magasin. Ils vont au magasin. Elle ferme. Elle ferme le magasin. Review drill 14. Avez-vous du pain? Avez-vous du pain? Crème. Avez-vous de la crème? Salade. Avez-vous de la salade? Sucre. Avez-vous du sucre? Lait. Avez-vous du lait? Fromage. Avez-vous du fromage? Aspirine. Avez-vous de l'aspirine? Crème. Avez-vous de la crème? Review Drill 15. Y a-t-il des gâteaux? Y a-t-il des gâteaux? Vent. Y a-t-il du vent? Bijoux. Y a-t-il des bijoux? Auto. Y a-t-il des autos? Soleil. Y a-t-il du soleil? Place. Y a-t-il des places? Billets. Y a-t-il des billets? Beurre. Y a-t-il du beurre? Médicaments. Y a-t-il des médicaments? Review Drill 16. Tutor. Y a-t-il du vent? Student. Non, il n'y a pas de vent. Y a-t-il du café? Non, il n'y a pas de café. Y a-t-il des places? Non, il n'y a pas de place. Y a-t-il du fromage? Non, il n'y a pas de fromage. Y a-t-il des œufs? Non, il n'y a pas d'œufs. Y a-t-il du soleil? Non, il n'y a pas de soleil. Y a-t-il de la salade? Non, il n'y a pas de salade. Y a-t-il des fenêtres? Non, il n'y a pas de fenêtres. Y a-t-il des nouvelles? Non, il n'y a pas de nouvelles. Y a-t-il du vent? Non, il n'y a pas de vent. Y a-t-il du lait? Non, il n'y a pas de lait. Review Drill 17. Il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles. Il y a. Il y a des nouvelles. Place. Il y a des places. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas de place. Billets. Nous n'avons pas de billets. Nous avons. Nous avons des billets. Bagages. Nous avons des bagages. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas de bagages. Légumes. Ils n'ont pas de légumes. Je voudrais. Je voudrais des légumes. Review Drill 18. On achète les médicaments à la pharmacie. On achète les médicaments à la pharmacie. On achète le pain. On achète le pain à la boulangerie. On achète la viande. On achète la viande à la boucherie. On achète les bijoux. On achète les bijoux à la bijouterie. On achète le beurre. On achète le beurre à la crèmerie. On achète les vêtements. On achète les vêtements au grand magasin. On achète les légumes. On achète les légumes chez le marchand de légumes. On achète les médicaments. On achète les médicaments à la pharmacie. Review Drill 19. Allez à la pharmacie. Allez à la pharmacie. Pharmacien. Allez chez le pharmacien. Bijoutier. Allez chez le bijoutier. Boulangerie. Allez à la boulangerie. Boucher. Allez chez le boucher. Teinturier. Allez chez le teinturier. Blanchisserie. Allez à la blanchisserie. Blanchisseur. Allez chez le blanchisseur. Épicerie. Allez à l'épicerie. Boucher. Allez chez le boucher. Épicier. Allez chez l'épicier. Boulangerie. Allez à la boulangerie. End of tape 1, unit 6. Review drills will continue on tape 2.